Je vous confirme que je ne suis pas Fabien Norio et que je vais me livrer à un exercice extrêmement difficile et périlleux, à savoir non pas lire in extenso l'intégralité du document et du texte qui est publiable immédiatement, il est impeccable, donc c'est un texte qui fait 14 pages, certainement 40 ou 50 000 signes. Je vais me livrer donc à cet exercice extrêmement périlleux qui consiste à tenter de résumer un texte que je n'ai pas écrit, donc il faudra vraiment vérifier avec Fabienne qu'elle est bien d'accord avec mon résumé, est donc une certaine forme de lecture, voire même de relecture, et avec ces éléments de peut-être de temps en temps de commentaires rapides pour faire la synthèse et le lien entre plusieurs idées. Dans l'introduction, Fabienne commence par expliquer l'image de Charles IV. Charles, alors il y a un document qui est joint. Il faut juste cliquer sur Fabienne Henriot. Henriot ici avec un non, il n'y est pas. Si je le vois en haut, le deuxième à gauche. Voilà, document. Et donc, le père Donat de Nancy, tertiaire régulier de Saint-François et confesseur de Charles IV de Lorraine. Donc, elle commence son introduction en nous présentant Charles de Vaudémont, 1604-1675, duc de Lorraine et de Bar, sous le nom de Charles IV. Et elle nous rappelle la légende, surtout noire, qui colle à la peau de ce pauvre duc et qui a été colporté, récupéré, diffusé à maintes reprises, et avec certains éléments, malgré tout, de légende dorée. Et le père Donat de Nancy, tertiaire régulier de Saint-François, appartient justement à ces hagiographes dans l'entourage de Charles IV. Il a notamment écrit, rédigé une histoire de Charles IV qui est restée manuscrite, qui est d'ailleurs fort peu appréciée, explique-t-elle, des historiens. Tant d'ailleurs le franciscain a voulu présenter le duc sous un jour extrêmement flatteur et gommer, il faut le dire aussi, les innombrables contradictions de son règne. Fabienne ne s'est pas adonné à la lecture ni à l'analyse de ce manuscrit de l'histoire de Charles IV, mais elle a trouvé une pépite en matière d'études de la confession et des confesseurs. Elle a retrouvé un grand nombre de lettres du père Donat de Nancy, plutôt d'ailleurs, et on comprend les raisons, plutôt dans, et on le verra tout à l'heure, dans le sens de la correspondance passive. Donc cette correspondance du religieux qui est conservée à la bibliothèque municipale de Nancy, les lettres forment donc la partie passive de cette correspondance qui porte l'adresse explicite, je cite donc entre guillemets, au révérend père Donat de Nancy, confesseur et prédicateur de son Altesse Sérénissime de Lorraine. Elle forme un matériau plus immédiat, au jour le jour, et c'est en cela que je dis que c'est une pépite, au jour le jour des relations entre le duc, son confesseur et un cercle de fidèles de Charles IV. La correspondance permet en effet de maintenir les liens entre les individus lorsque les groupes sont menacés de dislocation, comme ce fut le cas pendant tout le temps où le père Donat fut confesseur du duc entre 1652 donc et 1675. Cette période, elle le rappelle, il faut rappeler le contexte très rapidement, est celle de la fin de la guerre de 30 ans en Lorraine, puis celle de la troisième occupation du duché à partir de 1670 et des ultimes campagnes militaires de Charles IV. Si la fonction de confesseur du prince est assez bien connue lorsqu'elle s'exerce à la cour, que celle-ci d'ailleurs soit ambulante ou circonscrite à un palais, comment se pratique, et c'est la problématique de son intervention et de son article, comment se pratique la direction spirituelle du prince en situation d'exil, voire de captivité, voire de crise? Qu'est-ce qu'être confesseur lorsqu'il n'y a plus de cour? C'est en plein dans notre problématique sur la cléricature de cour. Qu'est-ce qu'être confesseur lorsqu'il n'y a plus de personnel ecclésiastique dévoué à la personne du prince, plus de structure bien établie, quand la dynastie même, fondement de l'État, est en péril et lorsque les fidélités sont mises à mal par l'émergence de partis opposés? Et pire même, quel sens peut bien avoir pour un prêtre la confession d'un prince qui est mis en plus au banc de l'Église et interdit de sacrement pour cause de bigamie et de vie scandaleuse? Donc elle dissocie deux temps dans sa réflexion. D'abord, une analyse extrêmement minutieuse et fouillée de ce corpus qui est une pépite et en même temps, quand elle le critique, qui est décortiqué ou qui est décomposé dans son analyse et dans son apport pour l'historien. Et puis un deuxième temps qui est le temps de l'herméneutique et surtout de qu'est-ce qu'être confesseur par rapport à ce questionnement qu'elle vient de nous poser. Donc d'abord, Donna de Nancy et sa correspondance. Premier temps, des remarques biographiques. En fait, on ne sait pas grand-chose, nous dit-elle, de ce frère mineur, du tiers-ordre régulier. Biographie extrêmement difficile à reconstituer, il y a très peu d'éléments, il est sans doute né vers 1614. Peut-être est-il aussi ce père Donat de Lisieux, que l'on identifierait à ce moment-là par assimilation par la suite ou par un nom d'emprunt typique de l'entrée en religion, donc père Donat de Nancy. Bref, elle nous expose tout cela à partir d'un appareil critique, on ne sait pas grand-chose de son itinéraire. Ce que l'on sait en revanche un peu mieux, ce que l'on connaît un peu mieux, c'est son parcours. Il est définitivement établi en Lorraine au début des années 1650 et occupe différentes fonctions importantes dans son ordre. Il est commissaire provincial en 1655, définiteur à plusieurs reprises. Il est gardien du couvent de Sion à la fin des années 1650. Il participe aux négociations également de la fondation du couvent de Lixheim en 1657, puis est nommé gardien à Nancy en septembre 1665. C'est à la fin de l'année 1651 que Charles IV l'appelle à la cour. Après avoir nommé à cet emploi quatre jésuites, on retrouve ici la tension qu'évoquait Bernard Dompnier et tous les exposés sur la concurrence que se livrent les ordres pour avoir entrer en cour et avoir ce poste de confesseur. Quatre jésuites, les pères Maigret, Lefrechon, Richard et Cheminot, et la disgrâce de Cheminot permet donc au père Donat de rentrer en cour. Ce qu'elle pose comme interrogation, c'est de savoir comment se fait-il que le tiers-ordre régulier arrive à prendre ce poste de confesseur. Et le choix du père Donat, de ce point de vue-là, peut surprendre, car le tiers-ordre régulier est présent en Lorraine depuis seulement 20 ans. Donc il n'y a pas une très grande tradition, une très grande imprégnation territoriale qui expliquerait le lien très étroit à la cour. Cependant, ce lien, nous explique-t-elle, existe, car il est très fort depuis une période très courte, depuis peu de temps, puisque cet ordre a été d'emblée un moyen de légitimation de la succession dynastique, pour le moins confuse, après le décès d'Henri II en 1624. Et c'est ce rôle dans ce processus de légitimation qui va permettre à l'ordre de tisser des liens très étroits avec la cour. Elle explique que dans ce processus de légitimation, pour résumer sa pensée, le père Donat est une pièce maîtresse et on comprend donc qu'étant pièce maîtresse, il devient un confesseur attitré. Le 5 janvier 1652, donc, le père Donat a visiblement obtenu les autorisations requises auprès de son provincial pour exercer cette fonction. Et il écrit plusieurs choses au duc. Alors, elle m'avait conseillé de ne pas lire les citations, mais celle-là, je ne peux pas m'empêcher d'en lire quelques extraits, car il y a des éléments essentiel sur à la fois la norme qu'il définit, ou du moins l'image qu'il se fait du confesseur, et les principes qui en découlent pour lui, les règles qu'il veut en dégager. Il dit juste, je capte quelques bribes. Il dit dans cette fonction, j'espère que j'y cherche aussi le salut de mon âme et que je puisse accorder cette obédience avec ma conscience. Donc on voit qu'il se fixe des principes et des règles. L'avis que notre RP provincial, révérend père provincial, me donne de vivre en votre cour comme un Saint Jean-Baptiste, l'image de Saint Jean-Baptiste, on retrouve ici l'image aussi prophétique, m'y servira de moyen, puisqu'avec tant soit peu du feu de son bon zèle, je pourrai annoncer les mérites et la nécessité de la pénitence et me tenir toujours inviolablement au parti de la vérité. Il écrit ça au duc, au parti de la vérité, par une liberté innocente et chrétienne de la produire au jour quand il sera nécessaire d'être éclairé, donc il parle au duc, de ses lumières. On voit ici pratiquement tous les éléments dont on vient de parler, à propos des confesseurs, des règles qu'ils peuvent se fixer et de leur ligne de conduite. Le propos peut sembler convenu, cependant, nous dit Fabienne, et c'est vrai, il faut faire attention, mais le père Donat s'est donné en toutes circonstances une réelle liberté de ton avec son prince, comme d'ailleurs avec toute la famille ducale. Cette liberté lui vaut d'ailleurs, après 10 années de tentatives pour raisonner le duc dans sa vie privée, comme d'ailleurs dans ses décisions politiques, une disgrâce, donc on retrouve le modèle ici français par exemple, une disgrâce mais seulement de 8 mois, on comprend peut-être pourquoi, au vu de ce qu'elle nous a dit, de la difficulté difficulté pour Charles IV d'avoir une véritable cour et donc de pouvoir peut-être choisir d'autres candidats. Il a là un ami, un fidèle serviteur, et il faut peut-être le préserver aussi. Ce qui donne des avantages certainement à notre père Donat. Au total, donc, le religieux et le prince auront maintenu des liens pendant presque 20 ans. Ce sont ces liens que les lettres mettent en évidence, non d'ailleurs sans artifice, mais ceci révèle précisément la manière, et c'est ça qui est très intéressant dans l'analyse de Fabienne, la manière dont le père Donat cherche à imposer, ou avec plus ou moins de succès, sa manière d'être confesseur et les difficultés quotidiennes que cela implique. Deuxième temps donc de cette première partie, l'analyse de la correspondance, et j'insiste sur cette idée de son titre, fabrique d'une image idéalisée du confesseur, même à travers une correspondance au jour le jour. Et là, c'est un travail presque à la fois archivistique, presque quasi philologique de ce corpus. Telle qu'elle est conservée aujourd'hui, la correspondance du père Donat est divisée physiquement en trois groupes de lettres. Les premières sont des copies de celles que le religieux adressa à diverses personnes de la famille ducale, principalement entre 1652 et 1698. Le deuxième portefeuille rassemble les lettres reçues entre 1655 et 1661. Et le troisième volet réunit les lettres reçues après 1661. Alors, on a diverses annotations à l'encre violette, dont une numérotation archivistique, sans doute de la main de Justin Favier à la fin du XIXe siècle. Il faut craindre que l'érudit bibliothécaire, pour les besoins de sa recherche, ait reclassé un peu artificiellement ces lettres. Pour le reste, ce que l'on peut dire et ce que nous dit Fabienne de cette correspondance, c'est qu'elle vient tout droit des archives personnelles du père Donat, telles que le couvent des tertiaires réguliers de Nancy les a conservées au XVIIIe siècle, avant qu'elles ne fussent saisies à la Révolution avec les archives et la bibliothèque du couvent. Alors, si c'est un fonds privé, donc nous avons un fonds privé ici, passé dans le domaine public, grâce à la Révolution notamment, et qui l'a permis de le conserver, c'est que, très intéressant, ça va être pourquoi ce fonds a-t-il été conservé et comment a-t-il été conservé, notamment par le père Donat. Fabienne nous explique que le religieux a pris un soin particulier à archiver ses papiers, et on le voit notamment à travers les annotations sur le verso de chaque lettre, qui porte de sa main la mention de l'expéditeur et la date. Donc il a bien archivé ses papiers. La plupart des minutes aux copies, ainsi que le père Donat les appelle lui-même de ses propres lettres, sont de sa main. Mais donc ce sont des autographes, mais il s'est parfois fait aider d'un secrétaire, peut-être son neveu, le père Vincent de Nancy, également tertiaire régulier. C'est notamment le cas des lettres, enfin, il donne des exemples. Je passe parce que sinon on ne pourra pas avoir l'intégralité de son propos. Et ce qui est intéressant, c'est la façon dont il conserve ces lettres. Et la question donc de la mise en scène du confesseur par lui-même. Le père Donat a tenu ses propres archives à la fois pour exploiter ultérieurement les matériaux nécessaires à la rédaction d'une biographie du duc, dont il semble avoir eu précocement le projet, et également pour justifier son attitude à un moment, on va le voir, où les reproches et les calomnies pouvaient tomber sur les anciens fidèles du duc. Donc, il a classé ses lettres avec l'objectif classer et trier ses lettres. C'est ça qui est intéressant. Trier ses lettres dans le but d'écrire soit une hagiographie du duc, soit de répondre et de défendre sa propre position. Plusieurs caractéristiques témoignent d'un classement et surtout d'un tri. D'abord, la médiocrité quantitative. Sur les trois portefeuilles, donc ça rassemble 282 lettres en 48 ans. On peut, avec une analyse qu'elle fait, très vite montrer qu'il a écrit bien plus de 282 lettres. Ce tri a eu pour conséquence, deuxièmement, une chronologie tout aussi déséquilibrée. Donc il choisit ce qui l'intéresse et bien évidemment il va choisir des moments plutôt glorieux que des moments négatifs pour son propre itinéraire. Les années 1659-1663 représentent à elles seules près des trois quarts du corpus. Ce sont celles de l'aboutissement et donc du succès des négociations autour de la libération de Charles IV, alors prisonnier en Espagne en 1659, puis celles des traités de paix des Pyrénées 1659, de Vincennes 1661 et de Montmartre 1662. Celles aussi du retour de Charles IV dans ses états en 1661 et de son entrée solennelle dans la capitale. Donc c'est la période glorieuse. Il a évacué toutes les autres lettres. Donc nous avons une pépite, mais une pépite qui a été bien taillée pour le Père Donat. En somme, donc, ce sont les années où, après les ravages de la guerre et les incertitudes politiques, conclut Fabienne, l'humiliation de l'occupation du pays par les troupes et l'administration française, c'est le temps, donc la plupart des Lorrains ont le sentiment d'un retour à la paix, d'une restauration de la dignité du prince et de la dynastie, d'avoir enfin aussi les moyens de reconstruire l'État. Et le Père Donat, on peut imaginer, s'il avait utilisé ses lettres pour une propre production personnelle, pour une propre hagiographie ou autobiographie, eh bien, on voit très bien ici l'orientation qu'il aurait pu donner à cette écriture. Donc c'est très intéressant du point de vue aussi de l'écriture éventuelle d'un itinéraire de confesseur. On a ici le matériel de préparation d'un travail qui serait un travail de biographie ou d'hagiographie. Enfin, nous dit-elle, autre élément qui montre bien qu'il y a un tri, c'est l'identité et la qualité des expéditeurs. Donc là, il y a un tableau qui doit se trouver un peu après, où elle montre qu'en fait, eh bien, il a choisi en gros l'entourage du duc, la famille ducale, la noblesse lorraine. Ils sont surreprésentés, dit-elle, au détriment des affaires strictement religieuses du tiers-ordre. Il n'y a plus de religieux. On a l'impression, à partir de ce corpus, qu'il n'y a plus finalement d'implication religieuse et qu'il n'est plus qu'un homme de cour. Il n'est même plus religieux de cour, il est tout simplement homme de cour. Ce qui pose, bien entendu, problème ce qui est un biais par rapport à ce corpus, mais qui nous informe sur sa volonté et sur ses intentions. La correspondance, tant dans le processus immédiat d'écriture que de conservation des documents, est donc une véritable mise en scène, conclut Fabienne, du confesseur par lui-même. Le Père Donat veut se montrer à lui-même, à sa communauté, à la prospérité, comme le pivot d'un réseau en perpétuelle redéfinition, mais dont lui-même est l'élément fixe et immuable, la garantie aussi de la pérennité de l'État en période de crise. Il cherche aussi à se faire valoir comme l'intime du prince, au cœur des intrigues politiques et matrimoniales qui agitent la famille de Lorraine, et en retour, donner à voir qu'il a une véritable influence spirituelle. Donc on voit ce travail de stratégie, d'écriture, de relecture, de stratégie d'écriture, une véritable influence spirituelle et politique sur son prince. D'où maintenant l'interrogation, c'est à partir de ce matériau que nous pouvons effectivement, dans son contenu, analyser le Père Donat, ou plutôt, on le sait maintenant, ce qu'il veut laisser à la postérité, hein, dans ce tri qu'il fait. Et donc, c'est sur sa réflexion sur être confesseur ou la vision aussi qu'il se fait de la confession. En 1663, lorsqu'il rédige son histoire de Charles IV, le Père Donat fait valoir que le confesseur d'un prince est à la fois responsable et solidaire de ses actes. C'est pour cette raison qu'il a toujours, publiquement, défendu sa politique comme sa vie privée et contredit tous ses détracteurs. Mais il revendique aussi un fort pouvoir sur la conscience et les décisions du prince. Celui-ci, qui a, je cite, « les oreilles à la bouche de son confesseur », ça fait penser à la remarque du père Coton, hein, ce qu'on dit à l'époque du père Coton, hein, il y a du côté dans les oreilles, hein, cette idée du confesseur qui est toujours à proximité, que l'on voit d'ailleurs dans certaines représentations de gravures, en train de souffler mots dans des gravures qui sont des gravures pamphlétaires opposées, bien entendu, à ses confesseurs et à leur place, de reconstruction, eh bien, donc les oreilles à la bouche de son confesseur. Je cite encore, « ne dédaigne pas de fléchir sous un prêtre qui demeure assis en maître, la tête couverte et la main haute. Le plus grand office d'un État est celui de confesseur du prince, parce qu'il tient Dieu en ses mains et son souverain à ses pieds. » Donc c'est des termes quand même qui vont très loin dans sa revendication. L'année suivante, en 1664, dans son examen sur les ordonnances faites au préjudice de l'Église, le Père Donat conteste le pouvoir du Conseil, estimant qu'il ne peut pas influencer les décisions du duc plus que le confesseur. Donc là, c'est une position aussi très forte, lequel, confesseur, doit en droit siéger dans ce Conseil. Donc ça veut dire qu'il n'y siège pas. Donc il y a revendication ici pour y siéger. Le religieux de cour a son mot à dire donc en politique. Le Père Donat esquisse aussi les contours d'un ministère fortement ressemblant à ce qui se pratique en Espagne, où l'exercice de la confession se double d'un véritable travail de conseil, on l'a vu tout à l'heure, sur la réputation des gens de cour et des officiers, et enfin, même si ce n'est pas systématique, de la participation au Conseil d'État. Alors, ce confesseur est-il aussi actif qu'il le prétend ? On a quand même des, Fabienne a quand même des éléments ici de l'évaluer, à partir notamment des lieux qui sont mentionnés dans la correspondance. Donc, elle fait un premier point sur mobilité du prince, mobilité du confesseur. Je vais résumer, c'est passionnant, parce qu'elle suit tout l'itinéraire et elle montre très bien que le confesseur a été quasiment tout le temps à proximité du prince, un prince qui n'arrête pas de bouger, à cause de la guerre, de l'exil, de l'emprisonnement également. Et on voit que le prince quasiment se trouve souvent très très proche ou vient le rejoindre à un moment ou à un autre, avec de temps en temps dans cet itinéraire, mais on le lira dans la publication, eh bien, des décrochages intéressants qu'elle analyse qui montrent qu'il a aussi un intérêt qui est sans doute un intérêt plus proprement religieux. Cette mobilité est à la fois une obligation et le signe d'un réel attachement, conclut-elle. Deuxième temps de sa réflexion sur les fonctions traditionnelles du confesseur qu'il va eh bien, lister dans ses prescriptions, ses recommandations et ses conseils spirituels que l'on trouve dans cette correspondance ou dans ce que l'on en reçoit. Il y a malgré tout une petite partie de correspondance, donc on avait la partie de la correspondance active, il y a une trentaine de lettres à peu près sur le corpus. Un premier degré, cette fonction est assortie... celle qu'il définit, donc qu'il expose entre les lignes dans ses lettres, comme on peut s'y attendre, d'obligations liturgiques et spirituelles. C'est là un rôle très classique des confesseurs, donc la confession bien entendu, la prédication, la retraite aussi du prince. On sait que Charles IV se confesse une fois par semaine auprès du Père Donat, ce qui est relativement fréquent pour un prince du XVIIe siècle, ce qui n'est pas exceptionnel, mais qui est dans la norme. En novembre 1661 aussi, il donne la retraite au duc. Elle liste tout un ensemble là aussi d'éléments qu'elle a repérés, qui montrent bien ses différentes fonctions d'obligations liturgiques et spirituelles. Ces circonstances ritualisées sont aussi l'occasion d'exhorter le prince à la pénitence et la patience. Dans le premier de ces deux concepts, donc la pénitence, se croise à la fois la mission première et essentielle d'un confesseur, c'est-à-dire obtenir une contrition sincère en vue du salut, et puis aussi, à ça s'ajoute, la spécificité spirituelle du tiers-ordre régulier. C'est un ordre qui est pénitent, et le Père Donat se veut auprès de son prince, il va véhiculer auprès de son prince cet idéal qui est celui de son ordre, l'idéal de la pénitence. Et c'est très intéressant parce que lors de la captivité de Charles IV en Espagne, on pourrait s'attendre à ce que peut-être les lettres révèlent des négociations souterraines pour libérer le duc. Eh bien, c'est pas vraiment cela, mais peut-être que c'est le tri qui veut cela également. C'est pas vraiment cela qu'il lui envoie. Il lui envoie des lettres où il lui recommande la pénitence. Il lui dit que cette épreuve, c'est un temps d'épreuve. Il choisit d'expliquer l'infortune du duc par la volonté divine et donc la volonté d'une expiation des péchés. Il lui écrit le 15 septembre 1654 une longue lettre de consolation. Quand même, malgré tout, c'est un confesseur, pour lui expliquer que les princes n'échappent pas à ces vicissitudes. Le cœur d'un roi, je cite, est dans la main de Dieu, conclut-il, et donc il faut admettre ce sort qui est celui de l'homme politique. Peut-être aussi que cela révèle finalement la difficulté du Père Donat à mobiliser des réseaux pour libérer et sa faible influence de ce point de vue-là sur un contexte qui est un contexte international et des enjeux de pouvoir internationaux. La direction de conscience est une autre activité importante du religieux. Il affirme que tout ce que les proches du prince n'osent pas lui dire, c'est au confesseur de lui exprimer. Et ça, c'est très intéressant car c'est une idée que l'on retrouve régulièrement chez les confesseurs qui leur permettent, me semble-t-il, et là c'est un commentaire que j'ajoute, justement cette part de liberté en affichant cette norme. Nous pouvons dire tout haut ce que les autres pensent tout bas. Et nous pouvons le dire parce que nous sommes confesseurs et aussi parce que nous n'avons finalement aucun avantage à attendre de notre position. C'est un service divin que nous honorons. Il n'y a pas un système ici de rétribution autre que la charge, mais ça ne va pas au-delà. Donc les enjeux sont très faible pour le roi, où il n'y a pas d'enjeu, si ce n'est des enjeux qui sont des enjeux suprêmes, des enjeux divins. Il n'y a pas pour le père Donat de limite nette, nous dit-elle également, entre le conseil spirituel et le conseil politique. Garantir une politique juste, équitable, pacifique, généreuse, en bref, imprimer au duc les caractères du prince chrétien, passe par l'exhortation spirituelle. On retrouve cette fonction permanente que j'avais moi-même vue pour le XVIe siècle, à savoir en France que ces confesseurs sont sans arrêt en train de diffuser des préceptes divins et qu'ils estiment que c'est dans cette répétition permanente des préceptes, soit à l'oral, soit à l'écrit, ce que l'on conserve c'est l'écrit, eh bien que le prince imprimera à un moment ou à un autre ces principes comme des principes guides qui permettront de guider son action. Fort de ses lectures, le père Donat se met volontiers en scène comme un conseiller politique. Il s'enorgueillit, et là c'est toute là une partie très intéressante aussi de relecture et d'imaginaire du confesseur, il s'enorgueillit d'avoir sans arrêt l'oreille du duc et de recueillir toutes ses confidences. Donc il y a tout un jeu ici, qu'il a eu toute une mise en scène du père et du confesseur. C'est toute l'habileté du confesseur de passer sans cesse donc d'un registre à un autre, quitte à user d'une certaine fausseté d'ailleurs de ton, nous dit Fabienne Henriot. Soucieux de la piété du prince, le père Donat participe activement au développement également, et c'est très intéressant, du culte du Saint-Sacrement, puisque ça rejoint d'autres interventions, qui est la grande caractéristique du sentiment religieux lorrain de la seconde moitié du XVIe siècle, du XVIIe. En 1663, il va fonder à Sion une confrérie du Saint-Sacrement à laquelle le duc s'affilie. Une procession d'ailleurs est aussitôt organisée qui rassemble les corps reconstitués de Lorraine, le clergé séculier et régulier, la noblesse et toute la population. Enfin et surtout, à la fin de la période d'exercice du père Donat, il s'impose à la cour comme un spécialiste du droit canon et à ce titre, le mieux placé pour régler les affaires ecclésiastiques soumises au duc. Avant-dernier point que je résumerai là aussi très brièvement, et Fabienne m'en excusera, le rôle attendu du confesseur par ses correspondants. Ce qu'elle nous explique, c'est que le jeu, c'est un double jeu. Il se présente, il va se glorifier son action, mais en même temps, il y a aussi, à travers la correspondance, et à travers la correspondance notamment passive, la façon dont les autres imaginent sa position et son action, et ce qu'ils attendent aussi de lui. Et donc, à partir de cette double lecture, de ce double niveau de lecture, on voit aussi l'imaginaire ou la norme que pourrait représenter le confesseur pour les autres courtisans. Et ce que nous dit Fabienne, c'est que finalement, une des fonctions qu'on lui prête, mais on pourrait généraliser, c'est très intéressant, c'est la fonction, ça revient à ce que l'on disait aussi du médiateur, c'est la fonction d'entremetteur. Le confesseur, c'est un homme considéré, un ecclésiastique considéré comme le plus proche, donc qui est à l'oreille du prince, mais cette image fonctionne plutôt pas mal aussi dans les courtisans qui le voient comme tel et qui voient en lui donc cet entremetteur efficace, d'efficacité aussi de cette médiation. Et ces procédés tiennent au fait que 45% des lettres reçues et conservées par le franciscain relèvent de la sollicitation. De la sollicitation ou de la reconnaissance pour un service rendu. C'est ce que l'on trouve quand même fréquemment dans la correspondance que je qualifierais de curiale, celle qui cherche justement à mettre en avant des stratégies de positionnement et d'ascension. Le terme également de protecteur revient souvent sous la plume de ses correspondants comme l'arbitraire également des décisions ducales. Je passe cet élément et ce qui est donc de fait, le père Donat a inévitablement cédé lui aussi aux séductions, aux intrigues. S'il est une sorte de clé de voûte de ce système curial ou une des clés de voûte de ce système curial, eh bien entendu, lui-même, et ça c'est quelque chose qu'on pourrait généraliser, il y a les sources ici pour l'apprécier, eh bien lui-même va jouer de ses intrigues, de ses relations, c'est les relations clientélaires assez classiques que l'on trouve en milieu de cour, dont les ecclésiastiques de cour, bien entendu, n'échappent pas. Il n'y a pas que des réseaux ecclésiastiques et ecclésiaux qui s'en mettent en œuvre, il y a bien sûr aussi des réseaux et des luttes de clans au sein de la cour. Autre signe important, autre image, que le père Donat est un initié de la politique secrète, diplomatie secrète, diplomatie politique secrète, et signe réel, ou du moins vision qui correspond à une réalité, car le père Donat reçoit bien des lettres codées, impénétrables pour nous désormais, car on n'a pas le code, où différents individus sont désignés par des chiffres. C'est un procédé dont use notamment Maréchal, le légat de la Lorraine à Rome, chargé de négocier les dispenses pour le remariage de Charles IV. Et le code, lui, était forcément connu du père Donat. Ces circonstances aventureuses ont incontestablement servi la fabrication de son image d'agent au service de la Lorraine et des Lorrains, mais ça correspond aussi à une certaine forme d'action qu'il peut avoir, même si ce n'est pas c'est peut-être en marge finalement de l'ensemble de l'action qu'il a pu avoir. Ce que je dirais donc en conclusion, en reprenant la conclusion de Fabienne, que elle m'excusera, je vais également synthétiser pour insister sur un point important, c'est que le père Donat a en effet traversé donc 20 années de tempête politique, sociale et religieuse aux côtés de Charles IV, explorant sa conscience et obligé le plus souvent de renoncer à changer les intentions du duc. C'est pourtant tout le contraire qu'il donne à voir à travers cette correspondance écrite au jour le jour, mais ensuite réunie et tronquée afin de mettre en exergue le rôle du père Donat dans les événements du règne de Charles IV. Le père Donat s'y montre comme un véritable pilier de l'État lorsque celui-ci est en train de sombrer. Il a été assez convaincant dans ce rôle pour que la noblesse et les officiers lorrains s'en remettent à lui pour édifier ou consolider leur position dans l'État lorrain. Voilà, je vous remercie.